Bienvenue à Mélomanes, l'émission pour vous, les fous de la musique, sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 6 juillet 2016 de Mélomanes. Et oui, première émission du mois de juillet. Il faut profiter de l'été parce qu'on ne le verra pas passer. Et on me dit à l'oreillette que c'est le seul été qu'il va y avoir en 2016. Donc, raison de plus pour s'envoyer plein de belles musiques en arrière de la cravate. C'est ça qu'on a fait la semaine passée avec Varié, plein de découvertes. Et je vous le dis, il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour le mois de juillet. Restez à l'affût. Chose certaine, on va pas s'ennuyer ce soir parce que roulement de tambour. On s'apprête à faire l'expérience du spécial années 80, Mélomanes volume 2. Mais attention, qui va être complètement, mais complètement différent du premier pour la raison suivante. Au grand plaisir des uns et aux grandes dames des autres, on va y aller, entre autres, d'une concentration glam ou hair metal pour les intimes. Donc, ça va brasser un peu, mais faites-vous-en pas, il n'y aura rien de trop élevé là-dedans non plus. On sera pas dans le trash ou dans le death metal quand même. Mais même qu'à certains points, je me demande pourquoi on appelle ce style-là metal avec les cheveux crêpés, les pantalons serrés en lycra, les maquillages. Bref, un petit plaisir coupable, une mode comme une autre à côté de laquelle on peut pas passer non plus si on parle années 80. Mais l'important, c'est que vous allez connaître plusieurs chansons, dont plusieurs power ballades, pas piquer des verres du tout. Et tout ça entrecoupé de gros classiques des années 80 en tout genre. Donc, pas le temps de s'ennuyer. Et c'est pour ça qu'on part ça tout de suite avec un gros classique. En fait, deux chansons qui ont un lien l'une avec l'autre. Vous essayerez de le trouver. Donc, on part ça tout simplement. Un gros hit avec la fameuse reprise. Une fameuse reprise de Quiet Riot au 99.1 CFNJ. don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last fear, unless I make it all too clear. I need you. CFNJ. Yeah. Toujours en plein mélomane spécial année 82e du nom au 99.1 et 88.9 CFNJ, partout dans la grande région de la Naudière et partout tout court, si vous écoutez depuis CFNJ.net, évidemment. Donc, les années 80 qu'on explore pour une deuxième fois à l'émission, et ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est vaste, une décennie, donc l'émission ressemblera à peu près pas à la première qu'on a faite, et je vous le dis, ça vaut vraiment la peine de suivre de bloc en bloc, parce qu'il y a beaucoup de surprises à venir et que ça évolue beaucoup, puis dites-vous que c'est pas à toutes les émissions que je vous dis ça. Il y a des moments très épiques qui s'en viennent, je vous en dis pas plus. Mais quand même, déjà un beau premier bloc qui tire dans toutes les directions, ça donne le ton, vous le savez, à Mélomane, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Daniel Lavoie, qu'on a entendu, bien sûr, avec l'éternel Il s'aime, sorti en album en 83 et en 45 tours en 84. On a aussi entendu le premier gros hit de Bon Jovi, tout premier gros hit, Runaway, toujours de 84, qui suivait un autre énorme succès que vous deviez connaître, soit Broken Wings de Mr. 1985. Il y avait des groupes avec des drôles de noms comme ça dans les années 80. Il y avait The aussi. Et sinon, eh bien, le lien entre nos deux premières plus musclées, c'était le fameux guitariste Randy Rhoads, guitariste d'Ozzy Osbourne qu'on a entendu avec Over the Mountain, tiré de l'album Diary of a Madman de 1981, sorti en single en 82. Et Randy Rhoads, qui avait aussi été, avant de jouer pour Ozzy, le guitariste de Quiet Riot qu'on a entendu. Sans lui, par contre, parce que Randy Rhoads était déjà décédé dans un accident d'avion à ce moment-là. Donc, on les a entendus avec la reprise de Come On Feel the Noise du groupe Slade, qui l'avait composé et chanté déjà en 73. D'ailleurs, petite anecdote, il semblerait que les gars de Slade aiment même pas trop les gars de Quiet Riot. Pourtant, tout avait été fait en bonne et due forme, la reprise. Les gars de Quiet Riot se sont fait connaître avec la chanson. Les gars de Slade ont fait de l'argent avec la version de Quiet Riot, mais pourtant, il semblerait que Slade avait refusé chaque invitation de Quiet Riot. Bref, on écoutera la version originale de 73 prochainement à l'émission. En attendant, on écoute un des groupes les plus importants de la scène glam, Motley Crue, 99 ans, CFNJ. Julia lui donne un peu de bon temps et retourne.

child. Dry your crying eyes. How can I explain the fear you feel inside? 'Cause you were born into this evil world where man is killing man and no one knows just why. What have we become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Little child, you must show the way. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. I've done all that we destroyed, you must build again. No more presidents and all the wars we lent. One united world under God. When the children cry, we'll be right back. Profondément ancré dans les années 80 ce soir à Méloman et ce partout dans la Naudière au 99.1 et 88.9 CFNJ. Deux gros noms qui au début de la décennie en question étaient sur toutes les lèvres. J'ai nommé Bruce Springsteen qu'on a entendu comme par hasard la semaine passée et The Police. Je vous dirais même qu'on oublie un peu à quel point ils étaient populaires chacun de leur côté au début des années, tout début des années 80. Et on les a entendus à un an d'intervalle seulement, Springsteen avec son premier gros hit, Hungry Heart, de l'album The River en 1980. Et les Police avec la magnifique Invisible Sun de l'album Ghost and the Machine en 81. Sting était d'ailleurs à Montréal hier soir avec nul autre que Peter Gabriel et qui vont aussi être à Québec pas plus tard que demain. Et sinon, comme promis, du côté du glam, White Lion et White Snake, à ne pas confondre l'un avec l'autre, White Lion, qui était un band dano-américain fondé à New York, qu'on a entendu avec leur plus grosse ballade « When the Children Cry », single de 88, qui suivait White Snake, qui, eux, nous viennent d'Angleterre, un groupe fondé par le troisième chanteur de Deep Purple, le plus connu qui a été Ian Gillan, bien sûr, mais le deuxième plus connu qui a été certainement David Coverdale, qui donc a formé White Snake, qu'on a entendu avec, évidemment, Here I Go Again, originalement de 82, mais qui a connu un plus gros succès, plus dans une version réenregistrée de 87 qu'on a entendu ici. Et tout ça qui avait débuté de manière tout à fait improbable par Dor Caroline de Joanne Blouin Grouit en 89 et par ceux qu'on pourrait presque appeler les rois du glam metal, Motley Crue avec Too Young to Fall in Love, single de 84, qu'on peut aussi retrouver sur l'album Shout at the Devil depuis 83. Et sur ce, on y va avec certainement quelqu'un qui a incité Motley Crue à se maquiller. On écoute Alice, 99 ans, CFNG.

partout dans la Naudière. CFNJ Centre et sud de la Naudière, ces nuages risquent d'averser et d'orages au cours de la nuit avec un minimum de 18 degrés. Jeudi, averses et risques d'orages le matin, maximum de 26. Nuageux vendredi, 25 et averses samedi, maximum 22 degrés. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et les environs, pour les prochaines heures, risquent d'averser et d'orages, un minimum de 16. Averses jeudi, maximum 24. Alternance de soleil de nuages vendredi, maximum 24. Et quelques averses samedi, maximum de 24 degrés. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Sales, get in our way. We'll put you on your Calme-moi par ton absence, séduis-moi par tes silences, intrigue-moi à distance. Ton amour est trop lourd, tu me serres trop fort. Remets-moi les clés, laisse-moi seul ce soir. Ton amour est trop lourd, tu me serres trop fort. Remets-moi les clés, laisse-moi seul. Ah, laisse-moi me retrouver, laisse-moi me faire la cour. Laisse-moi, mes peurs ne me quittent pas, mais laisse-moi. De mauvaises âmes. Simplement question d'espace, simplement question de moi, seul ce soir. Ton amour est trop lourd, tu me sers trop fort. Remets-moi les clés, laisse-moi seul ce soir. Ton amour est trop lourd, tu me sers trop fort. Remets-moi les clés, laisse-moi seul, laisse-moi seul. 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. Et Paul Young, qu'on vient d'entendre en ce spécial années 80, volume 2 de Mélomane avec Every Time You Go Away. Un hit de 1985 écrit par nul autre que Daryl Hall de Hall & Oates, qu'il avait enregistré en 1980, mais qu'il n'avait jamais sorti en single. Donc c'est Paul Young qui en 85 va prendre le flambeau et en faire son plus gros hit. Et juste avant ça, une pièce qui nous vient d'un album de 89, mais qui a été un hit plus début 90. Donc borderline pour ce soir, mais quand même ça sonne années 80 en masse. Jim Corcoran avec Ton amour est trop lourd, qui suivait un vrai classique du glam, Round and Round de Rat, classique de 1984. D'ailleurs, j'ai une belle petite version acoustique de cette chanson-là, réserve par Lou Barlow. On écoutera ça peut-être dans un radio pirate prochainement. Et sinon, un autre classique, toujours du glam ou du hair metal, c'est selon Skid Row, bien sûr, Sebastian Bach et ses troupes, avec leur plus gros hit, soit 18 in Life de 89. Et la même année, un gars qui était là bien avant tout ce beau monde-là, Alice Cooper, avec son hit Comeback Poison, qui a d'ailleurs des petites similitudes avec 18 in Life ou vice-versa. Et nous, on continue parce qu'il y a beaucoup de musique à venir, le côté épique des choses qui commence à pointer le bout de son nez assez sérieusement dans le prochain bloc. On va entre autres entendre des influences de la musique classique dans tout ça. Mais là, attention, parce qu'on part, les moteurs et les guitares prennent en feu, toujours au 99.1 CFNJ. I'm Time to win back your love again. I will be there. in a drink and feeling fine. We've been dancing with Mr. Brownstone. CFNJ.

Oh boy, c'était dans l'intense, ça, chers amis. Tout ça au 99.1 et 88.9 CFNJ en plein spécial année 80 de Méloman. Et pour ceux qui étaient là pour le premier spécial 80, vous pouvez témoigner qu'on est complètement ailleurs ce soir, même si on est dans la même décennie. Une décennie riche en power ballades, entre autres comme Foreigner, qu'on vient d'entendre, bien sûr, avec I Wanna Know What Love Is de 84, qui suivait Depeche Mode. Et oui, je sais, on s'est reviré sur un 10 cents avec Behind the Wheel de l'excellent Music for the Masses de 87. Et sinon, eh bien, un bloc de feu complètement épique. C'est le thème ce soir. On est resté en 87 pour Mr. Brownstone, tiré du multi-platine Appetite for Destruction des mauvais garçons de Guns N' Roses. D'ailleurs, Mr. Brownstone, qui est un slang pour héroïne, mais ça nous surprend pas ben ben. Et juste avant ça, comme on disait, c'est le mot épique qui s'imposait avec Still Loving You, la power ballade des power ballades des Allemands de Scorpions en 84. Et sinon, une première partie du bloc dédiée à la virtuosité guitaristique. Un petit détour vers le monde de la musique classique aussi, parce qu'on a entendu une adaptation du fameux cinquième caprice de Niccolo Paganini, un compositeur virtuose du violon qu'on pensait posséder du diable d'ailleurs, tellement c'était un musicien époustouflant. Et justement, c'est dans un film qui tournait un peu autour des mêmes thèmes, Crossroads, qui fait référence au pacte avec le diable qu'aurait fait le bluesman Robert Johnson. Mais ça, on en reparlera, il y en aurait tellement à dire. Bref, un film classique de 86 avec le Karate Kid, Ralph Macchio, et surtout le cas qui nous intéresse, Steve Vai, guitariste extraterrestre, avec donc sa version du cinquième caprice et qui l'a appelé pour le besoin de la cause Eugene Strickbag. Steve Vai, qui avait commencé sa carrière avec nul autre que Frank Zappa, et encore et toujours dans la guitare virtuose, les Shredders, comme disent les anglo-saxons, le suédois Yngwie Malmsteen, qui va partir de ce que Ritchie Blackmore de Deep Purple va faire, incorporer le classique dans le métal, le hard rock, on va appeler le métal néo-classique, et l'amener jusqu'à Far Beyond the Sun en 84, même année que Hot for Teacher de Van Halen, celui que tout parti finalement, qui s'est inspiré beaucoup du violon pour amener la virtuosité dans la guitare rock des années 80. Et il faut y retourner parce que le temps file, encore un bloc épique à souhait, mais complètement différent qui nous attend, qui débute encore une fois avec des Suédois. On écoute Secret Service, 99.1 CFNJ. can share this skin. We can know how we feel inside. Instead of going down an endless road, not knowing if we did or lied. Something's not worth fighting for. Some feelings never die. I'm not asking for another chance. I just wanna know why. There's no easy way out. There's no shortcut home. There's no easy way out. Et sud de la Nausière, ces nuageux risquent d'averses et d'orages au cours de la nuit avec un minimum de 18 degrés. Jeudi, averses et risques d'orages le matin, maximum de 26. Nuageux vendredi, 25 et averses samedi, maximum 22 degrés. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et les environs, pour les prochaines heures, risquent d'averses et d'orages, un minimum de 16. Averses jeudi, maximum 24. Alternance de soleil et de nuages vendredi, maximum 24. Et quelques averses samedi, maximum de 24 degrés. There's a change of pace, of fantasy and taste. Do you like good music? Do you like to dance? Oh yeah. Hanging out for a body shop at night. Ain't a strange what we do to be alright. Oh yeah. When will you call? I'm experienced. Oh yeah. Face to face and back to back. You see and feel my sex attack. Say it. Rush. Rush for fantasy. We're yeah. Father loves his son, mother's daughter's too. It's an old, old story, as we want to. Flesh! Flesh! Flesh for fantasy. Do you like to dance? It's nearly morning. You wanna risk a chance? Neighbor to neighbor, door to door. Enjoy the crime, you do your time. Never been nothing before. Lady love never smiles. Lend your love. FNG. Tired of listening to the sound of my tears. Turn around. all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart, and I need you now tonight, and I need you more than ever. And if you want, falling apart. There's nothing I can do. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say. A total eclipse of the heart. J'avais dit que le bloc serait épique et on vient d'en avoir la preuve en ce mélomane spécial 82e du nom, toujours au 99.1 CFNJ. D'ailleurs, il y en a sûrement parmi vous qui étaient là pour le premier spécial 80, mais vraiment, je me répète, mais il y a vraiment une atmosphère complètement différente ce soir. Et là, il va falloir faire ça rapidement parce que vous, vous ne le savez pas, mais il faut souvent que je coupe pour rentrer dans mon temps, puis j'aimerais bien ça arriver à tout vous faire jouer ce soir. Donc évidemment, du grandiose, en veux-tu, en voilà, avec Bonnie Tyler et son Total Eclipse of the Heart de 83, qui suivait le groupe Cinderella en 86 avec Nobody's Fool, leur plus gros hit, qui suivait à son tour la toujours magnifique Here Comes the Rain Again, Danny Lennox et Dave Stewart, soit bien sûr Eurythmics en 83, pour le magnifique album Touch, qui nous vient de l'album Touch, pardon, dans 83, mais 84 pour le 45 tours. On a aussi entendu un groupe qui va un peu passer pour un groupe de glam, mais qui nous vient en fait de la New Wave of British Heavy Metal anglaise des fins 70, début 80. Une vague qui a aussi compris Iron Maiden, par exemple, parmi ses rangs. Mais nous, on a entendu Def Leppard, qui était du côté plus pop des choses, avec Foolin' de l'album Pyromania en 83, un des plus gros vendeurs de toutes les années 80 d'ailleurs. Et juste avant ça, un souvenir de ce cher Billy Idol avec Flesh for Fantasy, toujours de 83, qui suivait Robert Tepper avec No Easy Way Out, qui nous vient tout droit du film Rocky IV de 85, le gros classique des classiques Europe avec The Final Countdown, bien sûr, en 86. Une chanson qui, ma foi, c'est peut-être un peu inspiré du chef-d'œuvre du synth-pop suédois qui a parti le tout, soit Flash in the Night, qui a parti le bloc de Secret Service en 82. Et nous, on y retourne pour ce qui va sûrement devenir notre dernier bloc. On écoute Winger. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99. Oui donc, Winger 99.1 CFNJ. We'll be right back. CFNJ 99.1 et 88.9. Avec vous, partout dans la Naudière. Thank you. au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. If I close my eyes forever. but close my eyes forever. Close my eyes forever. When it all remains Et toujours à Mélomanes au 99.1 CFNJ spécial 80 ce soir. Francine Raymond qu'on vient d'entendre avec ce qu'on appelle au Québec un classique de la Socan. Vivre avec celui qu'on aime, gros hit de 88, qui suivait deux autres pièces épiques de la même année, soit évidemment René et Nathalie avec Tourne la page, qui est un incontournable, c'est le cas de le dire, mais aussi ce fameux duo entre Lita Ford, guitariste et chanteuse, qui nous vient originellement du même groupe que John Jett, The Runaways, en duo avec Ozzy Osbourne, qui lui, nous vient de Black Sabbath, avec Close My Eyes Forever, un classique quelque peu oublié sur les ondes. Et parlant de classique et de rockeuse, on a aussi entendu nul autre que Pat Benatar avec son Love is a Battlefield de 83, qui suivait un trio incongru, Corey Hart avec Everything in My Heart de 85, Warrant avec Cherry Pie de, oups, on a triché un peu, 1990, mais avec un son très fin 80. Et tout ça qui suivait 17 du groupe Winger en 88. Donc c'est pas mal ça pour ce soir, cher public fidèle. Vraiment beaucoup de stock à se mettre sous la dent ce soir. J'espère, comme toujours, que ça vous a plu, qu'on vous a rappelé des souvenirs en masse. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 21h, pour un autre Mélomane. Et moi, je vous laisse avec le chanteur de Journey, version solo en 84. On écoute Steve Perry au 99.1 CFNJ. Knowing how I made you feel, and I should have been gone. After all your words of steel, oh, I must have been a dreamer, dreamer, no, and I must have been someone else, and we should have been. Let's go!